L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Il est décidément beaucoup question de matière noire ces derniers temps. C'est au tour d'une équipe de chercheurs britanniques, avec à sa tête un jeune chercheur officiant à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, de nous offrir dans le tout dernier numéro de Science une belle étude sur l'auto-interaction des particules de matière noire grâce à l'étude de dizaines de cas de collisions d'amas de galaxies. Comme les galaxies prises indépendamment, les amas de galaxies sont apparemment emplis de matière noire, celle-ci étant préférentiellement composée de particules massives interagissant très très faiblement avec la matière ordinaire, hormis par gravitation. Il y a quelques nombreuses années déjà, une observation d'un amas appelé l'amas du boulet avait fait beaucoup parler d'elle car cet amas était issu de la collision de deux amas et il avait permis de cartographier l'emplacement théorique de la matière noire par des mesures de lentilles gravitationnelles et celle de la matière ordinaire, lumineuse ou moins lumineuse, et ces deux distributions ne coïncidaient pas, indiquant des caractéristiques d'interaction très différentes entre matière ordinaire et matière noire. C'est en partant du même principe que l'équipe de David Harvey a pris comme sujet d'étude toutes les collisions d'amas disponibles par des observations conjointes effectuées avec les deux télescopes spatiaux Hubble dans le visible et Chandra en rayon X, et qui offrait de surcroît un effet de lentille gravitationnelle sur des galaxies lointaines en arrière-plan. Ainsi, la masse équivalente de matière noire peut être cartographiée assez précisément d'un côté, avec l'effet de lentille gravitationnelle, qui cartographie en fait la courbure locale de l'espace-temps, et de l'autre, le gaz diffus par son rayonnement X, et enfin, les galaxies par leur émission visible ou UV. La plupart des modèles de matière noire fonctionnent bien aux très grandes échelles, mais posent encore des problèmes à l'échelle des galaxies et des petits amas. Le profil de densité devrait être plus concentré au centre des amas de galaxies, les sous-structures galactiques devraient être plus nombreuses, et notre galaxie, par exemple, devrait posséder plus de galaxies naines satellites capables de produire des étoiles, par rapport à ce que nous observons. Ces petites incohérences peuvent être résolues si les particules de matière noire sont de type chaude, c'est-à-dire plutôt des particules très légères, des neutrinos plutôt que des WIMPs, pour faire court. Ou bien si ces particules de matière noire interagissent d'une certaine manière entre elles. Pour évaluer comment les particules interagissent les unes sur les autres, on utilise un paramètre que l'on appelle le transfert d'impulsion par unité de masse, sigma sur m, qui a la dimension d'une section efficace par unité de masse, exprimée en centimètres carrés par gramme. Pour résoudre notre petit problème de matière noire, nos chères particules doivent avoir un transfert d'impulsion par unité de masse qui soit compris entre 0,1 et 1 centimètres carrés par gramme. Des extensions du modèle standard des particules donnent une valeur pour ce paramètre qui vaudrait justement 0,6 cm² par gramme. Et l'étude de l'amas du boulet avait permis de fixer une valeur pour l'amplitude de cette auto-interaction et donner une valeur maximale de 0,7 cm² par gramme, avec une précision certes pas top. Donc tout allait à peu près bien. Mais c'est donc pour évaluer beaucoup plus finement ce paramètre de transfert d'impulsion par unité de masse qui signe l'intensité de l'auto-interaction des particules de matière noire, que Harvey et son équipe ont finalement retenu 30 cas de collision d'amas de galaxies impliquant 72 sous-structures. À partir de ce grand échantillon statistiquement représentatif de toutes les orientations possibles et imaginables par rapport aux observateurs que nous sommes, les auteurs parviennent à mesurer les écarts séparant les barycentres des trois types de masse, matière noire, gaz diffus et galaxies. Ces amas étant en collision, il est normal que le gaz ne se trouve jamais au même endroit que les galaxies. leurs caractéristiques dynamiques étant bien différentes. Et il en est de même pour la masse noire. Les auteurs montrent que la présence d'un équivalent de masse noire est indiscutable. Et le barycentre de la masse noire est très légèrement décalé sur l'axe galaxie-gaz qui représente la direction du mouvement de collision des amas. Il se trouve entre les galaxies et le gaz, mais plus proche des galaxies. En moyenne, la distance séparant les galaxies de la masse noire vaut 18 900 années-lumière, soit 5800 parsecs. C'est cet écart qui permet aux astrophysiciens d'en déduire l'intensité du transfert d'impulsion par unité de masse pour la matière noire, en utilisant un modèle dit de profondeur optique. En effet, le modèle fournit l'écart relatif attendu qui doit exister entre galaxies et gaz et entre galaxies et matière noire. L'ajout du paramètre d'auto-interaction vient légèrement modifier cet écart relatif et permet alors d'en fixer la valeur en ajustant son effet dans la modélisation par rapport à ce qui est observé. Ce que trouvent David Harvey et ses collègues, c'est que la matière noire ralentit moins fort que prévu initialement par auto-interaction. L'auto-interaction est donc moins forte que prédit auparavant. La valeur obtenue par Harvey et ses collaborateurs est, comme pour l'étude de l'amas du boulet, une limite supérieure. Mais cette nouvelle limite se trouve donc être plus contraignante. On a un sigma sur m inférieur à 0,47 cm² par gramme. Souvenez-vous, pour résoudre les problèmes des modèles de matière noire, il faut un sigma sur m compris entre 0,1 et 1 cm² par gramme. L'amas du boulet avait fixé une limite supérieure à 0,7 cm² par gramme, et de nombreux modèles théoriques extension du modèle standard des particules prédisaient une valeur de sigma sur m égale à 0,6 cm² par gramme. L'étude de David Harvey vient donc renouveler l'affirmation de l'existence d'une anomalie gravitationnelle visible par lentille gravitationnelle et attribuée à de la matière noire, mais dans le même temps vient contraindre fortement une bonne partie des modèles théoriques qui pouvaient expliquer les incohérences associées à la matière noire froide de type WIMS dans les amas de galaxies. Ces travaux montrent que la matière noire semble donc bien observable indirectement, mais avec un peu moins de probabilité que ce soit des WIMPs. L'article est paru vendredi dernier dans Science et porte pour titre The Non-Gravitational Interactions of Dark Matter in Colliding Galaxy Clusters, David Harvey et al. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute et les yeux au ciel et les pieds sur terre. C'est le www.ça-se-passe-là-haut.fr.